commence à une époque où pour s'imposer, faut détenir les clés d'une réussite. Elle se trouve souvent dans les poches d'un homme riche. Depuis ma naissance, j'avance avec les moyens du bord. Ma famille n'était pas pleine aux as, donc je devais me contenter du minimum. Tout commence le 20 septembre 1990, 2h du mat, mes premiers battements de cœur. Depuis mes débuts, beaucoup me poussent à croire que ce que je fais ne me servira pas, ils veulent me voir échouer. Après 9 mois c'est l'éclosion, et bébé lui se voit déjà tonton. Il veut grandir trop vite, il veut sauter les étapes. Dissimule ma peine et distribue ma rage. Les cités sont mis en quarantaine par l'État, pris en otage. La vie est faite d'épreuves, beaucoup veulent avoir la vie de rêve. Mise en oubli qu'ici, c'est le monde réel. De jour en jour, on me juge, je referai pas de refrain. Car j'aime pas me répéter, je suis bienvenu d'être le beat à leur index. Aimé et châtié, déçu mais heureux. J'ai toujours gardé la tête haute, les yeux fixés vers le son. Jeunesse triste, jeunesse gâchée, jeunesse noyée dans l'alcool, le shit et le hash. Jeunesse poussée à l'échec mais pas condamnée. J'ai été mis au défi, j'ai pris mon courage à deux mains, je suis parti à la conquête, la réussite. Je m'introduis dans le game, ambitieux sans permission, je me suis permis de tout dire sans gêne. Alors voilà une fois de plus, l'aventure se termine à 18 piges. Déjà deux maxi, j'ai la dalle frérot. C'est Sony le philosophe. Reconstitution de 2007 à 2008. Ok. Ok. Ok. J'entends, je crois. Aïe. C'est pour tous les rêves. Ça vient de Marseille. 13-0-15. Et comme ça, la granière. Quartier Nord, quartier Sud, centre-ville.